Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. L'Institut du monde arabe propose jusqu'au 5 août une exposition intitulée « L'épopée du canal de Suez des pharaons au XXIe siècle ». Son commissaire scientifique Gilles Gauthier est cet après-midi l'invité de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Carole, bonjour à tous. Nous allons visiter l'exposition tout à l'heure aux côtés de Gilles Gauthier. Mais avant cela, je vous propose de revivre la formidable aventure du percement de ce canal de Suez, ce canal qui devait changer la face du monde. Nous allons rencontrer Ferdinand de Lesseps, grand personnage. Après quoi nous irons en Égypte en compagnie de Diane Chenouda. Oui, Diane a fait le voyage pour nous et elle est rentrée d'Égypte avec des étoiles plein les yeux. Pour le moment, nous allons donc percer le canal ensemble. On a du mal aujourd'hui à se faire une idée de l'immense popularité dont pouvait jouir Ferdinand de Lesseps à la fin du 19e siècle. En tout cas, avant l'aventure du canal de Panama. Il avait été propulsé, quelque part entre Louis Pasteur et Victor Hugo, au sommet de l'admiration des Français. Et l'on peut dire que l'homme dont nous allons retracer le parcours a connu les ivresses d'une ascension phénoménale. Il y aura ensuite les angoisses d'une chute qui n'a pas été moins phénoménale, mais dont nous n'aurons pas l'occasion de parler vraiment aujourd'hui. Ferdinand de Lesseps est né à Versailles. Quand vous entrez dans Versailles en venant de Paris, vous voyez d'ailleurs sur la gauche la maison où est né le futur comte de Lesseps le 19 novembre 1805. Son père a d'abord été consul à Saint-Pétersbourg. C'est un diplomate. On l'a vu exercer à Livourne, à Pise. Le gamin, lui, est un casse-cou. On sait notamment que pendant sa jeunesse, il s'est cassé la jambe. Vous allez dire, oh, ben c'est banal. Oui, aujourd'hui, c'est banal. À l'époque, ça l'était relativement moins. Les enfants étaient nettement plus sages. C'est un garçon audacieux. Un garçon téméraire, il a du sang basque, vous me direz, par son père, espagnol par sa mère. Il est assez bon élève, même excellent élève, puisqu'il va obtenir une bourse pour suivre des études au lycée Henri IV. À 20 ans, il va retrouver son oncle en tant qu'aide-consul à Lisbonne. Autant dire que c'est bien une carrière diplomatique qui s'ouvre devant lui, une carrière dans les pas de celle de son père, si vous voulez, dans les pas de son père, devrais-je dire plutôt. Il est vice-consul à Tunis, on le voit ensuite à Alexandrie, et il est à Alexandrie au moment de la Grande Peste de 1834. C'est un homme actif, efficace, il est séduisant, il est charmant, il est extrêmement bien noté par ses supérieurs. Et pendant son séjour en Égypte, le vice-roi, parce qu'il faut vous dire que l'Égypte est alors une dépendance du gigantesque empire ottoman, bien entendu, tout ça dépend de la Sublime Porte, le vice-roi Mehmet Ali lui confie l'éducation physique de son dernier fils, qui est complètement obèse et auquel il faut donner un peu d'exercice. Ce fils s'appelle Mohamed Saïd. Il faut vous dire quand même que le vice-roi lui-même doit son pouvoir, si l'on peut dire, au père de Ferdinand, à Mathieu de Lesseps. Donc il y a une véritable solidarité, il y a des connivences, si je puis dire, entre les deux familles. Alors il faut imaginer le tout jeune prince tirant à l'arc, apprenant l'équitation, etc., aux côtés de Ferdinand de Lesseps, et va naître là évidemment une amitié qui plus tard jouera un rôle important. Alors la carrière de notre diplomate se poursuit, elle reprend son cours, on le voit en poste à Barcelone, à Madrid, et c'est à Madrid qu'il va faire la connaissance notamment d'une certaine mademoiselle de Montijo, vous me voyez venir, c'est comme ça qu'il connaît celle qui un jour deviendra l'impératrice des Français, et la carrière en question pourrait aller beaucoup plus loin si elle n'achoppait sur la question romaine. Et oui, on est au moment 1848 où la toute nouvelle République, qui vient de remplacer la monarchie de Juillet, est aux prises avec le conflit romain. Il y a une véritable guerre entre le général Oudinot et les troupes de Mazzini. Des affaires pas très claires qui vont compromettre notre jeune diplomate. Il est rappelé à Paris et l'on met fin à sa carrière diplomatique. Il se retire dans le Berry, chez sa belle-mère. C'est un moment très difficile pour lui. Il devient gentleman farmer, si vous voulez. Il doit s'occuper du domaine de la Chênaie, ce qui ne l'empêche pas de continuer de loin à s'intéresser aux affaires d'Égypte, notamment. Et justement, en 1852, au moment de la mort de l'héritier de Mehmet Ali, Abbas Pacha, celui qui monte sur le trône est le plus jeune fils de Mehmet Ali, c'est-à-dire Mohamed Saïd, celui qui est était l'ami, si l'on peut dire, du jeune diplomate Ferdinand de Lesseps. Et voilà comment il se retrouve invité à Alexandrie. Il prend la mer le 7 novembre 1854 sur un paquebot, si j'ose dire, de l'époque, un paquebot des messageries maritimes. Et le voilà déjà sur les quais d'Alexandrie. Alexandrie qu'il avait quitté il y a quasiment 20 ans déjà, qui n'a pas tellement changé. Il est reçu véritablement comme un chef d'État. Le nouveau chef de l'Égypte le reçoit avec tout le faste qu'on peut imaginer. Il faut imaginer les palais incroyables. On construit de véritables villages de toiles dans les grands jardins du pacha, enfin du vice-roi. C'est tout à fait magnifique. Et si Ferdinand a accepté l'invitation, pour tout vous dire, c'est qu'il a une idée qui lui trotte dans la tête depuis 20 ans, depuis qu'il était venu en Égypte la première fois. Une idée qui avait été émise par un certain nombre de ses devanciers, notamment par un certain Prosper Enfantin, dont nous parlerons tout à l'heure. Cette idée était d'ouvrir un canal dans l'isthme de Suez. Idée extrêmement audacieuse, vous l'imaginez. Alors, Ferdinand de Lesseps est suffisamment diplomate, suffisamment habile pour ne pas se lancer dans cette affaire bille en tête, bien entendu. Il va prendre son temps, il va attendre son heure. Et au cours d'une petite expédition qui a été organisée dans le désert, expédition dans un cadre très très privilégié, avec beaucoup de luxe, etc., un matin, Ferdinand se réveille avec le sentiment que le moment est venu. Vous savez, on a tous connu ce genre d'épreuve de vérité. On se dit, ça y est, c'est là, c'est maintenant que ça va se passer. Dans la journée, il va d'ailleurs accomplir un exploit. Il fait sauter à son cheval, qui est un superbe anaisé. Il lui fait sauter une véritable muraille d'une hauteur inquiétante. Tout le monde applaudit. La cour est en admiration. Il se dit que c'est le jour et le soir même, alors qu'il soupe dans la tente du vice ce roi, eh bien, il expose ses plans. Mohamed Saïd écoute ce qu'a à lui dire son vieil ami et il lui dit « Je suis convaincu, j'accepte votre plan, vous pouvez compter sur moi. » On peut dire que là, c'est le début de la grande aventure du canal de Suez. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire du percement du canal de Suez raconté par Franck Ferrand et Ferdinand de Lesseps a réussi à convaincre le vice-roi d'Égypte. Oui, et il va faire une sorte de profession de foi, si je puis dire, une grande déclaration. « Je veux faire une grande chose », lance Ferdinand de Lesseps, sans arrière-pensée, sans intérêt personnel d'argent. « C'est ce qui fait que Dieu m'a permis jusqu'à présent de voir clair et d'éviter les écueils. Je serai inébranlable dans cette voie et comme personne n'est capable de me faire dévié, j'ai la confiance que je conduirai sûrement ma barque jusqu'au port que nous pourrons appeler Saïd, au nom du vice-roi, qui veut dire en arabe « heureux ». C'est vrai que là, le moment est venu de passer aux choses concrètes et sérieuses. Alors d'abord, parce qu'il a cette formation, et ça c'est très important, d'abord, Ferdinand va étudier les rapports internationaux, qui sont très complexes dans cette affaire. Et puis, il étudie le terrain, bien entendu, d'un point de vue géologique, avec des ingénieurs, etc. Et là, on essaie de déterminer le tracé le plus juste possible. Finalement, ce canal sera percé entre Suez et Port Saïd, et passera par Ismaïlia. Donc on va, si vous voulez, on fait un canal nord-sud entre la Méditerranée et la mer Rouge. Ce n'est pas l'ancien canal des pharaons qui lui partait du Nil, n'est-ce pas, qui était, si vous voulez, est-ouest. Alors, le moindre des obstacles, disons-le, ce n'est pas l'humeur changeante du vice-roi. On écrirait un roman sur les relations pour le moins orageuses entre les deux amis de jeunesse. Le vice-roi d'Égypte change d'avis constamment. Il faut dire qu'il prend de gros risques, lui, de son côté. Il doit constamment référer à Constantinople. Début 1856, le tracé est arrêté. On prévoit 6 ans de travaux. En fait, les travaux dureront un peu plus de 10 ans. Et l'on a réuni 200 millions de francs, ou plus exactement, on a estimé les travaux à 200 millions de francs. Le sultan a donné son autorisation. N'oublions pas le rôle essentiel de la Grande-Bretagne dans l'affaire, qui est le véritable ennemi du projet, si je puis dire. D'ailleurs, Ferdinand va se rendre à Londres, il va se rendre à Istanbul, où on le fait lanterner incroyablement. Il est certain que les puissances ottomane ou britannique n'ont pas tellement intérêt, dans un premier temps en tout cas, à ouvrir ce canal. N'oubliez pas la concurrence que ça va faire aux chemins de fer locaux. Autre gros problème, où trouver les fameux 200 millions de francs ? Les Rothschild devaient participer à hauteur de 5%. Finalement, les fonds ne vont pas arriver. Finalement, dit Ferdinand de Lesseps, je m'adresserai directement au public et l'on va créer 400 000 actions de 500 francs, puisqu'il faut 200 millions de francs. Alors voilà comment se répartissent les actions en question. Sur les 400 000, plus de 207 000 sont des actions sont vendues à des souscripteurs français, 96 000 à des souscripteurs qui dépendent d'une façon ou d'une autre de l'Empire ottoman, et puis alors le reste se répartit entre toutes sortes de nationalités, hein, des Espagnols, des Hollandais, etc. Notons que ni l'Angleterre, ni l'Autriche, ni les États-Unis, ni la Russie ne souscrivent. Et Mohamed Saïd va prendre pour lui les 85 500 actions que d'Israël achètera un jour pour l'Angleterre. Et ça posera évidemment de tout nouveaux problèmes. Enfin, nous en parlerons tout à l'heure avec mon invité. Les travaux peuvent donc commencer à l'automne 1859. Napoléon III va jouer un rôle, là, on dira d'ailleurs que ce rôle de Napoléon III. Il y a cette entrevue extraordinaire entre Ferdinand de Lesseps et l'empereur, et l'impératrice aussi, qu'il a connue, je vous le rappelle, lorsqu'il était en poste à Madrid. Et Napoléon III lui dit, mais enfin, monsieur de Lesseps, on a l'impression que tout est compliqué dans votre affaire. C'est, sire, que le public n'est pas conscient du soutien de votre majesté, lui répond Ferdinand. Et Napoléon III dit, mais les gens se trompent, je vous soutiens pleinement, et vous aurez l'appui et le soutien entier de la France dans cette affaire. Le sultan va être incité, si je puis dire, à se montrer nettement plus conciliant dans la suite des opérations. Alors il faut se fournir en main d'œuvre. On aurait besoin en théorie d'une cinquantaine de milliers d'ouvriers. On en réunira 12 000 seulement, qui sont certes payés. Alors il y a toute la question des corvées, ça aussi il faudra qu'on en parle tout à l'heure, mais on va dire que les gens sont payés, mais qu'ils sont mal payés. Les travaux avancent dans des conditions extrêmement pénibles, et le 18 novembre 1862, les eaux de la Méditerranée finissent par aboutir dans le lac Timsa. Il faut imaginer ce qu'a dû être l'émotion de ceux qui ont perçu ce premier bouillonnement. Vous imaginez, ça veut dire que ça y est, les mers communiquent. 1863, Mohamed Saïd vient à mourir. Ça, c'est un coup dur pour Lesseps, et d'autant plus que le successeur, Ismail Pacha, est beaucoup plus proche que ne l'était son prédécesseur de l'Angleterre. Alors, évidemment, ce sont des alarmes dans l'entourage de Ferdinand de Lesseps, et finalement, le nouveau Pacha va dire, enfin le nouveau vice-roi va dire à Ferdinand, je ne serais pas digne d'être vice-roi d'Égypte si je n'étais pas plus canaliste que vous. Ah bon, alors les choses vont pouvoir continuer. Le canal, si l'on peut dire, est sauvé. Néanmoins, là, il y a un problème dans la main-d'œuvre, car une partie des travaux était effectuée au titre des corvées, et là, il y a abolition pure et simple des corvées. Il va donc falloir employer une main-d'œuvre plus coûteuse. Il manque 85 millions pour aller au bout de l'entreprise, et c'est le gouvernement français qui va autoriser Lesseps à émettre un emprunt à l'eau. Vous voyez à quel point tout ça c'est quand même fait dans la difficulté. C'est une aventure qui est très riche en rebondissements. Enfin, en 1869, l'œuvre est presque aboutie. Ça y est, le canal est percé. Il fait 164 kilomètres de long. C'est un canal relativement large, 60 mètres de large en moyenne, 8 mètres de profondeur. On va pouvoir l'inaugurer, ce canal, et les cérémonies, les fêtes, les célébrations de son inauguration vont marquer les consciences du temps. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Jusqu'à 15h sur Europe 1, Franck Ferrand nous plonge au cœur de l'histoire du percement du canal de Suez. Alors le canal est percé en 1869 et nous sommes en pleine inauguration du canal. Et oui, le 17 novembre, imaginez les grandes cérémonies. On accueille l'empereur d'Autriche, on accueille le prince héritier de Prusse, on accueille l'impératrice des Français, puisque c'est Eugénie qui représente son mari, déjà d'ailleurs très malade. Il faut l'imaginer arrivant sur l'Aigle, hein, sur le célèbre yacht impérial. ce bateau va être l'un des tout premiers à emprunter le canal. Alors, il y a eu de nouveau des difficultés, pépins, si je puis dire, puisque la veille, une frégate s'est échouée barre le canal. Donc, on a même été obligé d'envisager de la faire sauter. Finalement, le canal sera libre juste la veille des célébrations, juste à temps, à 5 heures du matin. C'est un moment de gloire pour Ferdinand de Lesseps. Il va être fait grand croix de la Légion d'honneur. Cette réalisation va redorer en quelque sorte le blason d'un second empire qui commençait à aller mal. On est en pleine période de l'Empire libéral et la cote de popularité de Napoléon III est au plus bas à ce moment-là. Mais c'est vrai que le canal de Suez va être un moment, va être une sorte de gloire, de grand succès du régime. Alors, nous allons parler de ce canal de Suez dans un instant avec mon invité. J'aimerais quand même vous lire, pour conclure ce rapide survol d'opérations qui ont été, qu'il faut imaginer, s'inscrivant dans la durée, qu'il faut imaginer extrêmement longue, pénible, avec beaucoup de difficultés. J'aimerais vous lire une lettre que Ferdinand de Lesseps adresse à l'un de ses amis et qui parle de la position de l'Égypte dans cette affaire de canal. « Qu'on ne nous parle plus des sacrifices faits par l'Égypte ni de l'ingratitude de la compagnie, dit-il. » Il défend bien entendu en disant cela les intérêts d'une compagnie qu'il préside. En réalité, il n'y a aucun sacrifice d'aucune nature de la part du gouvernement égyptien pour l'exécution du canal de Suez. Il a concédé des terres qui ne valaient rien, mais à charge pour la compagnie de les mettre en valeur et de créer par là une matière d'impôt pour le gouvernement. Le vice-roi a fourni un appoint capital à l'œuvre, certes, mais à la condition de participer aux bénéfices de l'exploitation au prorata de son apport. Et encore, avec un avantage particulier de 15% à son profit. Il a donné des ouvriers aux travaux, mais parce qu'on lui faisait craindre que la compagnie n'introduisît dans l'isthme des zouaves déguisés, parce qu'il faisait attribuer aux ouvriers indigènes un salaire supérieur à celui qu'ils auraient trouvé ailleurs, et en définitive, parce qu'il voulait faciliter l'exécution d'une entreprise de la plus grande utilité pour lui. Où voit-on là le moindre sacrifice de la part de l'Égypte? Eh bien, voilà un propos de la part de Ferdinand de Lesseps, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est pas politiquement correct, comme nous dirions, nous. Bonjour Gilles Gauthier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi pour évoquer cette grande aventure. Un mot peut-être du point de vue extrêmement dur de Ferdinand de Lesseps à propos de l'Égypte, ce propos que je viens de lire à l'instant. Ce propos est relativement juste à la date où Ferdinand de Lesseps l'exprime. Nous avons essayé à l'Institut du monde arabe de faire une exposition qui soit le plus juste possible, qui représente les positions de toutes les parties. Et nous avons replacé cette aventure du canal, bien sûr, dans la longue histoire, puisque nous avons 4000 ans d'histoire. Mais nous avons également replacé dans l'histoire du 19e siècle le canal dans l'immense renaissance de l'Égypte qui a eu lieu à partir de la prise de pouvoir de Mohamed Ali. Alors, c'est vrai que le père de Ferdinand de Lesseps a le premier vu que Mohamed Ali était un personnage de qualité qui allait s'imposer. Mais Mohamed Ali s'est imposé par lui-même auprès de l'Empire ottoman. Il a été extrêmement habile. Même à un moment, il a su être cruel puisqu'il y a eu ce fameux massacre des Mamelouks qui lui a assuré son pouvoir. Mais Mohamed Ali était un homme de progrès, un homme qui voulait absolument transformer son pays. Et il a fait venir des milliers, des centaines en tout cas, d'experts européens dans tous les domaines. Donc il voulait transformer son pays. Il y a une seule chose qu'il ne voulait pas, il ne voulait pas faire de canal. Il n'a jamais dit, si, il l'a dit clairement, mais par exemple, les Saint-Simoniens, tous des polytechniciens, mais avec l'idée que des Saint-Simoniens, que le progrès allait transformer le monde, que l'Orient et l'Occident allaient s'unir, les Saint-Simoniens revenaient tout le temps à la charge avec le canal et Mohamed Ali les écoutait, leur disait « faites-moi un barrage, faites-moi ceci, faites-moi cela ». Et Mohamed Ali avait dit à ce moment-là « l'Empire ottoman mourra de son Bosphore ». Je ne veux pas ouvrir un nouveau Bosphore. Donc c'était, il faut bien imaginer, cette Égypte... C'était hautement politique. Cette Égypte en train de se développer, de se libérer par rapport à l'Empire ottoman, auquel elle n'obéit plus réellement. D'ailleurs, Mohamed Ali met en péril le trône ottoman. Et il faut bien imaginer ceci. Et donc, au sein de la société égyptienne, en évolution, parce qu'en même temps qu'on fait venir des quantités d'Égyptiens, d'experts étrangers, Mohamed Ali envoie plein des quantités quitté l'Égyptien en France pour se former, pour voir une société nouvelle. Donc, on discute beaucoup en Égypte. Donc, il y a des gens qui sont pour le canal, qui sont canalistes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme a dit Ismaïl. Et puis d'autres qui sont contre le canal. Et donc, la lutte est difficile, ce qui explique les hésitations de Saïd Pacha quand il prend le pouvoir et partisan du canal, mais en même temps il se souvient des réticences de son père. Il n'est pas complètement idiot, il a certainement moins de charisme que son père et qu'Ismaïl, mais enfin il pense aux intérêts de son trône et aux intérêts du pays, donc il hésite beaucoup avant de rentrer dans ce projet. Il prend des précautions, le directeur de la compagnie sera nommé par l'Égypte, l'Égypte aura 15% des bénéfices en plus des bénéfices rapportés par des actions qu'elle possède. Donc, au départ, le projet est un projet égyptien. Et moi, donc Ferdinand Lesseps, qui montre une certaine irritation dans cette phrase, néanmoins traduit une certaine vérité à cette époque-là. À cette époque-là, mais quelques années plus tard, c'est fini. C'est fini pourquoi ? Parce que Ismaïl Pacha, qui a... encore plus que son grand-père, moderniser le pays à tout va. Il a fait des lignes de chemin de fer. L'Égypte avait pratiquement autant de lignes de chemin de fer par tête d'habitant, peut-être même plus que la France, et beaucoup plus que les pays de l'Europe de l'Est, par exemple. Et donc, qui a dépensé beaucoup d'argent pour construire des écoles, pour construire le Caire, le Caire actuel, le centre-ville du Caire. Donc, s'est endetté. Et s'est endetté également pour le canal. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien là, l'Égypte va perdre son indépendance. La France et la Grande-Bretagne imposent à l'Égypte la présence d'un agent au sein du gouvernement égyptien. Et puis ensuite, c'est l'occupation anglaise. Et à ce moment-là, le canal prend une toute autre... Alors voilà, on va y venir dans un instant, justement, et notamment sur la rivalité franco-britannique autour de ce canal. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Jusqu'à 15h sur Europe 1, c'est la formidable aventure du percement du canal de Suez qui est évoquée par Franck Ferrand et nous avons la chance d'être en compagnie de Gilles Gauthier, le commissaire scientifique de l'exposition L'épopée du canal de Suez, des pharaons au 21e siècle à l'Institut du monde arabe jusqu'au 5 août, qui fait l'objet d'ailleurs du catalogue L'épopée du canal de Suez aux éditions Gallimard, Institut du monde arabe et Musée d'histoire de Marseille. Très beau catalogue. D'où vous est venue cette idée d'une exposition à l'Institut du monde arabe, Gilles Gauthier ? Comme beaucoup d'idées, elle est venue un peu du hasard. Le hasard qui a fait que Jacques Lang était invité par le président Hollande à assister à l'inauguration du doublement du canal. Vous nous disiez ce que c'est que le doublement pour ceux qui auraient oublié cet épisode. Le doublement du canal, c'est le doublement partiel du canal. C'est un travail considérable, qui a pour objectif de permettre la circulation dans les deux sens et donc d'économiser beaucoup de temps. Comme le fait souvent Jacques Lang, quand il a une idée, il la propose, mais il la propose sans enthousiasme pour tâter le terrain. Et que pensez-vous ? Vous ne pensez pas trop stupide de faire une exposition sur le canal ? Et à ce moment-là, Claude Mollard, commissaire général, et moi, nous prenons ce projet, nous allons nous en charger, c'est fantastique. Voilà comment c'est venu. Et puis après, nous nous sommes mis à travailler il y a plus de 2 ans déjà. Et qu'est-ce qu'on peut présenter dans une exposition comme celle-là ? Quelles sont les œuvres ? Quels sont les documents ? Alors d'abord, nous avons énormément de documents qui viennent de la compagnie, de l'ancienne compagnie de Suez, Engie, et de l'association des Amis du Souvenir de Ferdinand Lesseps, qui est financée par cette compagnie. Donc nous avons des tableaux, de très beaux tableaux, qui représentent, parce que les peintres accompagnaient l'impératrice, et des tableaux qui racontent tout le périple de l'impératrice en Égypte. Elle est allée à Luxor, elle a fait du chameau, elle a passé la nuit au bord du Nil. Nous avons aussi... Parmi les belles œuvres, alors nous avons mis ça en valeur, nous avons voulu faire commencer dans une chronologie qui remonte au pharaon, mais nous avons cassé la chronologie pour commencer par l'inauguration et la rendre très spectaculaire avec 3 grands écrans qui reprennent et qui animent les motifs des différents tableaux. Cette première salle avec la voix de Frédéric Mitterrand qui raconte les cérémonies comme il pourrait raconter le couronnement de la reine d'Angleterre. Et nous rentrons au son d'Aïda, bien sûr, puisque Aïda avait été créée. cause, oui. À la demande d'Ismaïl par Verdi pour l'inauguration, même si finalement Taïwé était un petit peu en retard. Et donc voilà, ça c'est un fait spectaculaire. Ensuite, il a fallu raconter l'histoire antique du canal. Alors là, nous avons quelques très belles œuvres, peu nombreuses, mais très belles œuvres d'antiquité égyptienne qui montrent le buste de Sésostris III qui a fait le premier canal, qui montrent une inscription qui signale que Darius, à l'époque où il contrôlait l'Égypte, a lui aussi participé au creusement du canal. Ensuite, il y a des petits bateaux égyptiens comme on en trouve dans les musées, mais voilà, ça nous a semblé bien de les montrer ici. Et puis ensuite, un tableau montrant les représentants de Venise auprès de la porte, demandant au sultan de creuser un canal. Enfin, beaucoup, beaucoup de tableaux. Et nous avons ensuite un magnifique plan-relief. Alors ça, c'est extraordinaire. Un plan-relief qui a été montré pour la première fois à l'exposition universelle de 1878. Et puis une deuxième fois, puis une troisième fois en 1900. Alors, il était un petit peu modifié. Donc, ce plan-relief montre l'état du canal. Il faut donner ses dimensions. Hein. Je crois que c'est... les chiffres... c'est 7 mètres. Oui, voilà, c'est ça. C'est assez mètres monumental. C'est monumental. C'est très beau. Et nous avons aussi une très belle maquette de pelleteuse, de dragueuse. Ce sont les premières dragueuses qui ont été créées par des ingénieurs. Ça n'existait pas avant. Il a fallu les inventer pour le canal de Suez après la suppression de la corvée. Donc le canal de Suez a apporté une révolution, a apporté une accélération de cette révolution, de même qu'il a certainement apporté... C'est le début de la mécanisation, oui, en fait. Oui, y compris pour les bateaux, parce que la flotte était encore très largement une flotte à voile. Et le canal de Suez, bon, il commençait à avoir quelques bateaux à vapeur, mais le canal de Suez a accéléré le mouvement. On entre dans l'ère industrielle. On entre vraiment dans l'ère industrielle avec le canal de Suez. C'est assez remarquable, parce que c'est remarquable historiquement, c'est remarquable historiquement de toute façon, mais dans l'histoire des sciences, dans l'histoire de l'industrie. Donc, on est à une espèce de jointure, de point charnière. Vous me disiez tout à l'heure pendant l'interruption que et les descendants de Ferdinand de Lesseps et la famille royale d'Égypte sont venus visiter l'exposition. Oui, tout le monde était extrêmement content. Nous avons été remerciés par tout le monde. Certaines personnes de la famille royale ont moins aimé le président Nasser, que nous avons montré également. Mais d'une façon générale, ça a été extrêmement sympathique, cette rencontre. Il y a des photos qui l'immortalisent. Alors, revenons, si vous le voulez, aux origines de tout cela. Et après, nous entrerons dans l'histoire du canal et dans tout ce qu'il est devenu depuis. Mais aux origines, qui a-t-il avant Ferdinand de Lesseps? Quels sont ceux qui, de façon concrète, ont imaginé, je ne parle pas du canal antique, bien entendu, hein, mais qui ont imaginé dans les temps modernes un canal à Suez? Alors, Vasco de Gama contourne l'Afrique pour aller en Inde. La République de Venise, dont la fortune vient du commerce d'Orient, comprend qu'elle va être ruinée. La République de Venise est très bien gérée par un sénat qui représente les grandes familles patriciennes. Et donc, très vite, ils se disent qu'il faut trouver une solution. Et ils vont à Constantinople proposer au sultan un canal. Ça ne marche pas. Ensuite, Bonaparte, en 1798, envahit l'Égypte. Bonaparte arrive avec pratiquement tous les savants français de l'époque et qui étudie la totalité d'Égypte dans tous les domaines, histoire, science. Et un ingénieur, le père, c'est son nom, un ingénieur étudie le creusement d'un canal. Mais il se trompe, il pense qu'il y avait 9 mètres de nivellation entre les eaux de la mer Rouge et les eaux de la Méditerranée. Donc bon, mais de toute façon, l'expédition d'Égypte ne dure que 3 ans. Au bout de 3 ans, tout le monde rentre chez soi. Mais l'idée est là. Et alors, arrive à ce moment-là les Saint-Simoniens, ce courant philosophique. Et qui vont jouer un rôle. Hein, extraordinaire, oui. Qui, je pense que donc la science et l'industrie vont sauver le monde, que les seuls hommes utiles à la société sont les scientifiques et les industriels et les ouvriers, tout le reste n'étant que des parasites, et donc ils vont... De Fourier l'autre jour, donc on était dans cette ambiance. Oui, oui, tout à fait. Et alors, ils s'ajoutent à ça, avec Enfantin, qui transforme un peu cette philosophie en religion, s'ajoute à ça l'idée qu'il va falloir marier l'Orient et l'Occident, et que lui, le père, doit aller en Orient rencontrer la mère, ce qu'il ne trouve pas. Mais il arrive là-bas accompagné de nombreux polytechniciens, tous ces gens sont des polytechniciens. L'école vient d'être créée par Napoléon. Et ils se mettent à étudier le canal, à reprendre les études de le père, et puis de tracer à l'horizon des idées différentes. Ils veulent faire un canal qui passe par le cœur de l'Égypte, de façon à ce que ce canal contribue... Irrigue en quelque sorte le pays. Mais bon, finalement, ils étudient des quantités de projets, et ils essaient de convaincre le pacha d'Égypte, le gouverneur d'Égypte, il y a beaucoup de noms, le vice-roi d'Égypte, Mohamed Ali, mais sans, ils n'y parviennent pas. Et Ferdinand Lesseps, qui n'est pas du tout ingénieur, qui est un aristocrate, dont la famille allait à Versailles, c'est un diplomate, mais c'est un aventurier, c'est quelqu'un qui a l'âme d'un conquérant, d'un homme de grand projet. Et lui s'intéresse à ce projet, il présente les Saint-Simoniens, c'est lui qui les présente à Mohamed Ali. Bon, finalement, c'est lui qui reprendra la flamme. Les Saint-Simoniens vont partir et lui reprendra la flamme. Mais c'est important de comprendre que c'est bien un flambeau qu'il reprend. Ah, il le reprend, oui. Et qu'il n'allume pas tout seul. Il ne l'allume pas, et même certains disent qu'il l'a un peu volé aux Saint-Simoniens. Bon, en tout cas, tant mieux, parce que les Saint-Simoniens étaient des gens qui avaient beaucoup d'idées. Ils avaient moins de sens pratique. Voilà, tout à fait. Européen au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, nous nous intéressons à l'épopée du canal de Suez avec notre invité Gilles Gauthier, auteur de l'ouvrage « Entre deux rives, 50 ans de passion pour le monde arabe » aux éditions Jean-Claude Lattès, à paraître le 2 mai. Alors Gilles Gauthier, nous comprenons bien que ce canal de Suez, il est le fruit d'un certain courant de pensée, il est le fruit de cette révolution industrielle, et vous nous dites que c'est le début de la mécanisation à tout point de vue, les bateaux à vapeur, les espèces de tractopelles, etc. D'un point de vue technique et technologique, il a apporté des innovations importantes. Ah oui, c'est la première fois que l'on emploie ce genre de machine pour creuser, non seulement pour creuser un canal, mais pour tout travaux de génie civil. La main-d'œuvre a posé problème quand même. C'est un peu l'un des sujets. Bien sûr, mais c'est d'ailleurs parce que la main-d'œuvre, le recours à la corvée par Ferdinand Lesseps, enfin plutôt par Saïd Pacha, qui a fourni la main-d'œuvre, le retour à la corvée a été condamné par l'Europe. D'une façon générale, il y a eu une campagne de presse, c'était le début de l'opinion publique. Certains disent que la Grande-Bretagne a manipulé cette campagne de presse, mais il ne faut pas oublier qu'en Grande-Bretagne même, il y avait des campagnes de presse contre l'esclavage. Donc il y a réellement une indignation qui fait que lorsque Ismaïl arrive au pouvoir, il arrête les travaux, il supprime la corvée. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut avoir recours à la mécanisation et puis aussi à une main-d'œuvre étrangère et la compagnie fait venir beaucoup de Grecs. Et oui, et ça va avoir un rôle d'ailleurs sur l'évolution de l'Égypte d'une certaine manière. Oui, il y a aussi des Grecs qui sont venus par Alexandrie, puisque Mohamed Ali lui-même venait d'Éthénée et vivait, avait sa maison à Kavala, au nord de la Grèce, en face de l'île de Thasos, tout près, pas loin de Salonique. Et donc, il a fait venir beaucoup de Grecs pour former sa flotte. Donc, les Grecs étaient très... Alors, des ingénieurs, des techniques, de la main-d'œuvre, des capitaux pour abonder à tout cela. Oui, alors des capitaux, mais ça n'a pas été facile. En fait, il a fallu aller en Europe, ramasser des capitaux. Au départ, Ferdinand Lesseps était seul. Ils étaient seuls avec Saïd, ils étaient deux. Mais à l'époque, la France n'était pas présente dans le projet. Ce n'est que plus tard que Napoléon Bonaparte, qui d'ailleurs, en 1954, Napoléon III, pardon, venait de prendre le pouvoir en 1954. Mais il s'est engagé un peu plus tard dans le projet. Il s'est vraiment engagé à partir de ce moment-là. L'Angleterre était tout à fait opposée. Donc alors, en Angleterre, il n'y a pas eu de... C'est toute la dimension politique. Oui. Déjà, le rôle du vice-roi par rapport à la Sublime Porte, par rapport à la Turquie, à l'Empire ottoman, et puis d'autre part, la rivalité franco-britannique. Voilà, Les Britanniques ne voulaient pas d'une puissance sur le canal. Et l'Égypte était en train de se constituer en tant que puissance, puis en plus la France était présente aussi. Donc c'était tout ce qu'il fallait pour embêter les Britanniques, qui finalement préféraient faire le détour par le Cap ou bien il y avait le projet de train à l'époque qui passait jusqu'en Mésopotamie. Donc les Anglais étaient contre. Après, bien sûr, ils vont être les premiers utilisateurs du canal. Mais alors, justement, les Anglais vont peu à peu, si je puis dire, mettre la main sur le canal de Lesseps, non ? Tout à fait. Ils vont mettre la main sur le canal parce que, profitant de la dette égyptienne de plus en plus lourde, les Anglais vont racheter les parts du Khedive, dont se trouvaient avec 44% des actions, donc ce qui est beaucoup. Et ensuite, tout simplement, ils vont s'emparer du pays, puisqu'en 1882, l'Égypte est occupée par la Grande-Bretagne. Donc le canal passe totalement sous contrôle britannique et le reste, assez tard, puisque jusqu'en 1951, des troupes britanniques sont présentes sur le canal. Et on se rappelle évidemment l'extraordinaire événement politique qui est la nationalisation de ce canal de Suez par Nasser, vous en disiez un mot tout à l'heure, nationalisation qui va justifier une intervention armée franco-britannique avec appui israélien. C'est la fameuse opération de Suez qui est un désastre, il faut le dire. Que s'est-il passé là, vraiment ? Alors, c'est la prise en main, c'est le retour de l'Égypte. Alors ça va provoquer plus que justifier, parce que je crois que cette opération n'a aucune justification. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que la France, après la guerre de 40, a nationalisé à tout va. Elle avait déjà nationalisé à tout va en 1936, et Nasser ne fait que... 36-45, ce sont deux grandes campagnes de nationalisation en France. Et lorsqu'en 56, Nasser nationalise, on se dresse contre lui et on dit que c'est un nouvel Hitler. C'est quand même aller un peu vite. En besogne. En fait, la compagnie nationalisée n'est pas traumatisée parce que, bon, bien sûr, ça ne lui fait pas plaisir, mais la compagnie se met tout de suite à négocier avec l'Égypte et la compagnie va être remboursée. Je ne sais pas si totalement ou partiellement, mais il ne faut pas oublier que cette compagnie allait de toute façon perdre sa concession en 1968. C'était prévu comme ça. Donc, il ne restait pas tellement d'années. Et tout l'argent sur lequel s'est fondée la puissance ensuite du groupe de Suez vient des remboursements égyptiens. Oui. Donc il n'y avait pas de drame. Mais simplement, pour la Grande-Bretagne, c'était marqué la fin de sa toute puissance au Moyen-Orient. Et elle avait un petit retard, parce que ça avait déjà commencé. Hein. Enfin, pas tout à fait. Le roi Faisal était encore en Irak, il n'y avait pas eu la révolution en Irak. Enfin, la Grande-Bretagne sentait une menace pour sa présence, et la France avait la guerre d'Algérie qui avait commencé 2 ans plus tôt. Nasser soutenait réellement cette guerre, mais il n'en était pas à l'origine. C'est le raidissement de deux puissances coloniales qui voient disparaître leurs empires respectifs, en fait. Ça ce qui se passe. Hein. Et donc, ni les Russes ni les Américains ne l'entendaient de cette oreille, évidemment. Alors Khrouchtchev va jusqu'à menacer d'utiliser la bombe atomique, ce qui est probablement exagéré, mais les États-Unis surtout ne soutiennent pas du tout et au contraire condamnent la France et la Grande-Bretagne. Juste un petit mot, parce qu'il nous reste quelques secondes seulement, mais sur l'ouverture d'horizon à travers ce canal. C'est-à-dire que pour l'Europe et pour l'Occident, ce canal de Suez a transformé un peu l'imaginaire. Ah, totalement. Vous savez, partir de la Méditerranée, vous partez de Londres, mais même si vous partez de Marseille, et quand vous arrivez là sur le canal de Suez, il y a une émotion qui se traduit dans la littérature, dans les films, dans le cinéma. L'émotion d'aller bientôt vers ces mers du Sud qui étaient si lointaines, qui étaient si mystérieuses, et qui tout d'un coup deviennent à la portée des gens. Il y a toute une imagination qui va se développer autour de ça. Merci beaucoup Gilles Gauthier. Je signale à nos auditeurs que vous êtes en train de préparer un ouvrage qui va paraître là le 2 mai, qui s'intitule « Entre deux rives, 50 ans de passion pour le monde arabe », c'est publié chez Lattès. Cette passion pour le monde arabe, on l'a senti à travers vos propos. Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et nous partons à présent en Égypte avec vous, Franck, et avec Diane Chenouda. Mais oui, Diane Chenouda qui, justement, avec Gilles Gauthier, est allée en Égypte, sur les bords de ce canal de Suez, et qui en revient avec énormément de belles images à l'esprit. Bonjour Diane. Bonjour Franck. Ah bah oui, écoutez, en plus c'est un mon pays. Bah oui, c'est votre pays sorte, à vous un peu. Puisque je suis d'origine aussi égyptienne. Alors j'ai eu un vrai coup de cœur, Franck, pour ces villes mythiques qui longent le canal de Suez, Ismaïlia, Port Saïd, de grandes villes assez petites. touristique, mais qui valent vraiment le détour. Et dès qu'on prononce ces noms, ça fait penser au voyage tout de suite. Absolument, ça fait rêver. Alors d'abord, Ismaïlia, eh bien, entre Port Saïd et Suez, on est à 2 heures du Caire en voiture, là où est né Claude François, faut-il le rappeler. Bien sûr, on l'a dit l'autre jour. Voilà, son père était employé au canal de Suez. C'est vraiment une ville au charme désuet de l'époque de Ferdinand de Lesseps, avec ses vieilles villas coloniales, en bois, aux grandes vérandas, noyées dans la verdure, les palmiers, sous la belle lumière de l'Égypte à cette époque. C'est vraiment idéal d'y aller à ce moment-là, parce qu'il ne fait pas trop chaud entre 25 et 35 degrés. Alors on a eu le privilège de visiter l'ancienne demeure de Ferdinand de Lesseps, qui devrait prochainement être restaurée pour ouvrir au public. Et alors, écoutez Franck, on est plongé dans l'ambiance 19e. Ah oui. C'est magnifique, hein, vous imaginez bien. Cette ambiance coloniale, vous y êtes, là, voilà. Oui. Ces meubles. Les moustiquaires et les mouches à rabier, là. Exactement, c'est ça, voilà. Avec des salles de réception immenses. On est tout près de l'ancien siège de la compagnie du canal de Suez, mm-hmm. actuellement à l'abandon, mais c'est un très beau bâtiment avec ses colonnades, ses terrasses, ses jardins. Peut-être sera-t-il aussi restauré un jour et transformé en musée. Et là, on peut aller sur le canal, d'ailleurs, hein, bien on sûr. On peut aller sur le canal. En tout cas, nous, on a eu ce privilège hein, de faire une virée sur le canal. Après, vous avez des gros bateaux de croisière qui, effectivement, traversent le canal hein, de la Méditerranée bien jusqu'à sûr. La mer Rouge, évidemment. Alors, c'est très impressionnant. Hein. On croise d'énormes cargos avec leurs centaines de containers qui viennent du monde entier. Alors, bien sûr, beaucoup d'Asie, de Chine. Et voilà, on est passé du vieux canal jusqu'au nouveau, c'est-à-dire hein, ce fameux canal qui a été dédoublé en une seule année. Donc, c'est quand même un exploit technologique. Et puis, on peut visiter aussi une galerie historique pas loin, où là vous avez toute l'histoire du canal, de sa construction à son élargissement. Alors on a de vieilles maquettes de bateaux, des photos anciennes de l'époque, des extraits de films, des objets de l'époque. Donc ça c'est Ismaïlia. Il y a aussi Port Saïd, vous nous disiez. Port Saïd, ça fait rêver. Là, on imagine déjà les enfants qui plongent pour aller chercher les pièces. Hein, c'était ça à l'époque. Mais oui, c'est ça. Alors, on entend Port Saïd là, c'est ça? Oui, on entend Port Saïd. C'est vraiment la ville d'entrée sur le canal de Suez. Elle a été fondée au moment de la construction du canal. On est vraiment au bord de la Méditerranée. Donc, il y a la mer, la plage et le canal. Alors là encore, la ville, malheureusement, n'est assez peu fréquentée par les touristes étrangers, Franck. Les bateaux de croisière s'arrêtent à Port Saïd, mais généralement pour une journée de visite au Caire, alors qu'on a un très beau patrimoine ancien qui n'est pas exploité, il faut le dire. De vieux immeubles de pierre au charme fou, restés dans leur jus avec leurs terrasses fermées pour se protéger de la chaleur. Et c'est vraiment un plaisir de se balader à pied ou en calèche le long de ce canal, entre la rade, les bateaux et le front de mer. Et on découvre également là le socle où a été posée la statue de Ferdinand de Lesseps, qui a été déboulonnée en 1956 par les Français et les Anglais. Le canal de Suez, inauguré en 1969, on sait que l'impératrice Eugénie y était allée. Absolument. Et évidemment nationalisé par Nasser en 1956. Bien sûr. Et alors donc, on a aussi des fresques qui retracent cette histoire du canal. C'est alors ce qui est fascinant, je dois dire, c'est de s'enfoncer dans la vieille ville, dans le souk. On a les odeurs de l'ail, des tomates succulentes, ces montagnes d'aubergines, de légumes merveilleux. Succulents aussi, les restaurants de poissons, Franck. Port Saïd, c'est vraiment la ville du poisson, on en mange tous les jours. C'est un bonheur absolu, hein, ces soupes de poissons, les crevettes merveilleuses, les bars, les dorades. Écoutez, franchement, avec tout ça, les mezzés... Vous êtes en train de redorer le blason d'un tourisme égyptien qui est un peu en berne du fait des événements que tout le monde connaît. Il faut aller en Égypte, c'est le moment où jamais il n'y a personne en ce moment. Et puis alors, si on va un peu plus sur la Méditerranée, qu'on va à l'ouest du delta du Nil, là c'est Alexandrie. Alexandra, avec sa corniche longue de presque 30 kilomètres, ces plages, ces rochers, ce front de mer exceptionnel, évidemment, ces marchands de fèves, ces calèches, là encore, ce spectacle incessant, cette belle architecture fleurie du vieil Alexandrie. Certains immeubles sont évidemment en art déco, alors de style byzantin. Il y en a certains qui ont des airs de palais vénitien avec ses colonnades ciselées. Et alors, il y a la citadelle hein, qui est située à l'emplacement de l'ancien phare, dont on a une vue sublime sur toute la ville et le petit port de pêche et la mer. Et puis, on ne peut pas parler d'Alexandrie, Franck, sans son cœur battant, qui est la bibliothèque ultramoderne, évidemment. Qui vient remplacer l'ancienne bibliothèque dont la perte a été le drame de l'Antiquité. Absolument, Franck. Et c'est pour ça que c'est très ingénieux qu'il y ait une bibliothèque à cet endroit, ultramoderne, avec son forme de cadran solaire incliné vers la mer. C'est vraiment magnifique. La salle de lecture est entièrement baignée de cette lumière naturelle, sans que le soleil ne vienne vous aveugler. Et puis, il y a un très beau musée des antiquités à l'intérieur avec des trésors de l'Égypte antique, copte et musulmane. Merci beaucoup, Diane Chenouda. Grâce à vous, nous avons été encore un petit peu plus en Égypte. Décidément, quelle Égypte aujourd'hui ? Au cœur de l'histoire sur Europe 1.